بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 99 question. سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: ماذا نقول لمن ندعوه إلى التوبة والرجوع إلى الله فيقول إن الله لم يكتب لي الهداية والثاني يقول إن الله يهدي من يشاء. Donc il faut interroger à propos de quelqu'un que l'on appellerait à se repentir et à revenir vers Allah. C'est-à-dire une personne qui commet des désobéissances, qui n'est pas sur la droiture. Et il répond, Allah ne m'a pas prescrit la guidée. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas écrit pour moi dans mon destin que je sois une personne guidée. Et le deuxième, il dit, Allah guide qui il veut. Dans le sens qu'Allah guide qui il veut, moi il ne veut pas me guider. فَأَجَابَ رَحْمَ رَحْمَ تَعَلَى أَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ لَمْ يَكْتُبْ لِي الْهِدَايَةَ بِكُلِّ بِسَاطَةَ نَقُلْ أَتَّلَعْتَ الْغَيْبَ Donc il a dit, rahimahullah ta'ala, quant au premier, qui a dit que Allah ne m'a pas prescrit ou prédestiné la guidée, il le dit ça de façon claire, on lui dit, est-ce que tu connais l'invisible? As-tu pris un engagement avec Allah? Fa'in qala na'am, fa'naqulu idhan kafarta, liyannaka da'aita 'ilm al-ghayb. Si il ose répondre oui, alors on dira, tu as mécru. Car là, tu prétends connaître la science de l'invisible. En disant oui, que Allah ne m'a pas prédestiné que je sois une personne bien guidée. Ou encore, là, là, fanakulu, rolipta, izekunta lam tattali' anna Allah lam yaktub al-hidayah, fahtadi. Fallahu ma mena'aka min al-hidayah, bel da'aka ilayha, wa raghabaka fiha, wa hazzaraka min al-dhalala, wa nahaka anha. Wa lam yasha' Allah Azza wa Jal an yada ibadahu ala dhalalatin abada. Donc on lui dit, s'il dit non, on dit alors qu'à ce moment-là, ta parole n'est plus valable. Car si jamais tu ne sais pas que Allah ne t'a pas écrit la guidée, alors guide-toi. Tu ne sais pas. Car Allah ne t'a pas empêché d'atteindre la guidée. Elle est devant toi, il t'a mis l'épreuve, il t'a mis les causes. Hein, Allah t'y appelle, Allah t'y incite, Allah t'a mis en garde contre l'égarement, Allah t'a interdit de t'égarer. Et Allah n'a pas voulu laisser ses serviteurs dans l'égarement, jamais. Et là, il parle de la volonté qui est, elle, législative, liée à la législation. Shal'an, al-irada shal'iyya. Qala Allah ta'ala, يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ويتوب عليكم. Que Allah veut pour vous, Allah veut vous guider, ou plutôt Allah veut vous éclairer et vous guider sur les traditions de ceux qui étaient avant vous et accepter votre repentir. Les femmes, verset 26. فتوب إلى الله والله عز وجل أشد فرحا بتوبتك من رجل أضل راحلته وعلى طعامه وشرابه وأيس منها ونام تحت شجرة ينتظر الموت فاستيقظ فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فأخذ بخطام الناقة وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فكان يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. Donc il dit, repends-toi à Allah de ce sur quoi tu trouves comme égarement actuellement. Car Allah Azza wa Jal est encore plus content de ton repentir que d'une personne qui serait perdue dans le désert avec sa monture, transportant sa boisson, sa nourriture, et il a perdu sa monture. Et il s'en va pour dormir sous un arbre et attendre la mort. Puis il se réveille et là, il voit sa monture. Donc il l'attrape par ses rênes et l'accroche à l'arbre et il dit tellement il est content que il dit, oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il s'est trompé, tant il était content. Alors qu'il voulait dire, oh Allah, tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. Donc Allah Azza wa Jalla est encore plus content que cet homme-là, lorsque toi tu te réponds. Et tu le sais, donc réponds-toi. Amma thani allazi yaqulu inna Allah yahdi man yasha. Quant au deuxième, celui qui dit que Allah guide qui il veut, dans le sens que Allah n'a pas voulu pour moi la guider. فَإِذَا كَانَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَهَذِهِ حُجَّةٌ عَلَيْكَ فَاحْتَدِي حَتَّى تَكُونَ مِمَّنْ شَاءَ اللَّهُ هِدَايَتَهُ. Donc il a dit, justement, que tu dises que Allah guide qui il veut, cela est un argument contre toi. Donc, toi, suis la guidée, afin que tu sois de ceux, d'accord, pour qui Allah voulait la guider. Toi, les moyens, ils sont à ta portée. Donc, sois parmi ces gens-là, que Allah voulait guider. وَالْحَقِيقَ أَنَّ هَذَا الْجَوَابِ مِنَ الْعَاصِي وَلِدَفْءِ الْحُجَّةِ بِالنِّسْبَةِ لَنَا وَلَنْ يَنْفَعَهُ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ. Dit, en réalité, cette réponse du désobéissant, c'est juste pour nous. Il veut en fait nous répondre à nous. Mais en réalité, auprès d'Allah Azzawajal, cette réponse n'aura aucun poids. Ça ne sera pas valable. لِيَنَّ اللَّهَ Azzawajal يَقُولُ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمَنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. Car Allah Azza wa Jal a déjà parlé de ce genre de personnes dans son livre, lorsqu'il a dit: ceux qui ont associé te diront que si Allah avait voulu, nous n'aurons pas associé, ni nous, ni nos pères. Et nous n'aurons rien rendu illicite. Ça veut dire que ce qu'on fait, c'est que Allah il a voulu. Et c'est de la même manière qu'on démentit ceux qui étaient avant eux, jusqu'à ce qu'ils aient goûté notre châtiment. Dit, avez-vous donc une science afin de vous en informer? Vous ne faites que suivre les conjectures et vous ne faites que, comment dirais-je, tachlosol, c'est-à-dire parler sans savoir. Avec le mensonge. C'est-à-dire que vous ne faites que parler pour pouvoir repousser les choses qui sont évidentes. Donc tu verras les gens dépêchés souvent te dire ce genre de paroles, donc là tu as la réponse. Tu as la réponse à leur donner. Et que se justifier par le destin, cela est vain et cela est faux, et cela tu dois répondre, c'est que c'est associateur comme le démon de ce verset. Car personne ne connaît l'avenir, tu ne pourras pas savoir que Allah n'a pas voulu pour toi que tu sois une personne de telle et telle sorte. Tu ne le sais pas. Donc toi, quand tu sais où est la guidée, où est l'égarement, où est le bien, où est le mal, où est l'obéissance et la désobéissance, alors va vers ce qui est bon pour toi. Tout comme si devant t'indique une route, une qui va vers une destination qui est sécurisée et une qui amène vers une destination qui est mauvaise, où il y aura du mal, du danger pour toi. Laquelle d'autre tu vas prendre? Tu vas choisir la bonne destination. Eh bien là, fais pareil. Suis la bonne voie que Allah t'a indiquée. Au revoir. Naam. Falhamdulillah rabbil alamin.